16.2 si vous venez de nous rejoindre pour votre émission Groove Tropical spécial Noël. La tradition, rien que pour vous qui nous vient des Antilles, avec bien les meilleures chansons du moment, les meilleures chansons de Noël, bien sûr, avec les cantiques, avec oh là là, il va y avoir plein de choses. En tout cas, 2h30 pour vous évader jusque là-bas, jusqu'aux Antilles. Bien, ma compagnie, bien sûr. Très très bon après-midi. Thank you. Attention, messieurs, ces dames, préparez pour le parti. Tout le monde ensemble, on chante les côtés. On va aller voir. Petit manier à la gâte. Chanter tout mon ensemble compressé, ça nous que ni nous que manger, ni un bagaille qui est spécial, qui la pointe ni un foyal, ni si nous nous arriver, la joie qu'a monté en chair. Please, pour Noël, ni Noël arrivé, Noël arrivé, tropicale vous souhaite un joyeux Noël. Papa Noël, ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. la rivière continue à me défendre. vraiment été mon maille. C'était un grand moment pour y trouver l'amour partagé, l'unité, oui, c'est ça qui est vérité. En bas, wop, sans bagay ki dou. En bas, wop, sans bagay ki dou. Gade l'état, en bas, wop, mettez-moi, mes amis. En bas, wop, ouais, en bas, wop, en bas, wop, sans bagay ki dou. En bas, wop, sans bagay ki dou. Gade l'état, en bas, wop, mettez-moi. Avoir ce roi des anges, chacun serait trompé. De l'embrouille et de l'ange, il est enveloppé. Pour soulager sa peine, pour adoucir ses mots, il se sert de la laine. Maman, moi, batte la, papa, moi, batte la. Si tu connais, moi, mène-moi la caille, moi. Ah, maman, moi, batte la, papa, moi, batte la. En bas, wop, en bas, wop, en bas, wop, c'est un bagaille qui doux. En bas, wop, c'est un bagaille qui doux. Gardez les en bas, wop, mettez-moi, mes amis. En bas, wop, en bas, wop, c'est un bagaille qui doux. Un ange à la même heure d'un vol les plus légers. Quand les relais réveillent, il leur dit à l'instant: venez voir la merveille que l'univers attend. Ah, c'est ici qui prend moi, mène-moi la caille, moi. Oh, maman, moi, bâti là, papa, moi, bâti là. En bas, wop, en bas, wop, sans bagay ki dou. En bas, wop, sans bagay ki dou. Gade l'état, en bas, wop, mettez-moi, aïe, aïe, aïe. En bas, wop, en bas, wop, sans bagay ki dou. Mais c'est moi, vous souple. En bas, wop, sans bagay ki dou. Gade l'état, en bas, wop, mettez-moi. Et en fait, son message, cet ange pousse par où. Pour aller au village, plus d'un pasteur couru. Ils vont droit à l'étable, chercher le nouveau-né. À sa vue, la de l'essentiel, 96.2. La FM en couleur. angélique cumène. Une voix, plusieurs fois, rendez gloire au roi des rois. Comment moi qui t'ai dans moi un cadeau? Parce Noël c'est long, 96.2 groupe tropical où il souhaite un joyeux Noël. Para Michel qui dit Saint-Joseph, papa, papa, bon Dieu. Arabe, d'autres qui comptent, mon âme qui dit mal fait, c'est pas grave, c'est ni bien. Si n'est ni malédiction, ni la de la bannie, bon bénédiction. Si n'est ni malédiction, ni la de la bannie. Marie ni Joseph, mais c'est fait tout si mon qui cabine nous bouge. Thank you. merci, enfin que gagne pendant, merci, pour le cadeau pour Patrick, merci, pour le cadeau pour Paul et Megan, merci, pour le cadeau pour Larry, merci, avec mon garde manger. Pas connaître, tout doué. Où y'a enfants d'aujourd'hui qu'ils aient la chance de vrai Noël. Quelques enfants nés, des hommes et des personnes aimées, inconnues, pour vivre bien souhaiter joyeux Noël. Bye. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Allô, Estes! La gueule, Tio! Jean-Pierre, joyeux Noël la famille, les Mélisans, les Malpalans, joyeux Noël tous les enfants du monde entier, joyeux Noël la famille, je vous aime de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Et à tous ceux et celles qui souffrent sur notre planète, Monsieur Timothée et moi-même Jean-Claude François, alias Tessal, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Parler pour lui, tant pis génération passée, qui pas j'en qu'a fait figuer, qui te dit l'anti-vérité, c'est n'a qu'un autre où elle habite, et toujours passé, c'est non pas qu'on a qui façon. C'est nous même ici qui pouvons faire un message de Noël. Mais t'as dit ça, quoi ça disait, mon engagé n'y ouvrait Noël. Pour ne pas me laquer la raison, fait bien ou mal, c'est sacré, colle des solutions. Si je n'en fais bien éduquer, pas qu'un gouvernement bien situé, qui bien il n'est qu'à bailler en nouvelle réalité. arrivé, à me débarrasser. Son bagage chaque année. Depuis que petit bébé, ma tête on doit passer, ma plate la vie pour aller. Son bagage chaque année. Quand nous marchons bébé, tu m'as pas te bloquer, moi tu m'es désolé. Son bagage chaque année. C'était pour bon l'année, chaque année qui vivait, ma vie qui m'arrive. Jusqu'il est temps. The Merry Christmas. Yeah. que je mets pas mes. Ma bombe t'es mis là, tu connais. Si pas bombe là, j'aime pas pour pas. Vous pouvez causer pour nous à la gare. Vous pouvez veiller, vous pouvez veiller, vous pouvez veiller. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. Dynamite, climat, pédé,

fait piécer. N'a prié plus loin, juste un blon ingénieux, coco séché. Fini, tout ça fait briller. Son moment n'est pas qu'à nier. Noël c'est partage, Noël c'est plus belle, faites cause nous pas qu'à plier. M'a si plié au en classe, faut tant que cadeau à l'essa. Votre petit Jacques, gentil mari, tout à Vanessa. Pour nous fêter Noël, la nouvelle du parti réuni. Sous des mains, tout au Noël, toute sa partie, ta douée est finie. Haïti. Célébrer, fun, voir, c'est l'idée, fun, chasse, c'est l'idée, qu'à cause, douane, nous guérir. Pendant un app, célébrer, dans quel content, grand pile, l'homme qui n'a pris, c'est l'idée. C'est mon cap, prétend, quand on nous passe, pour faire d'oxygène. Même y'a un petit sourire, sous visage, y'a un carré, tiré l'âme. Sous bon sourire, quand même, qu'on ait gagné le café, si pied pas, y'a un petit tourbel, votre cadeau. C'est pas notre part, c'est pas ça. Même les pays bloqués, me connaît pour ou sans pas ta fado. Jamais marché. De votre émission Groupe Tropical, eh bien, il est bientôt l'heure de se quitter. Je voudrais vous souhaiter à tous et des mains de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Bien sûr, déconfinés automatiquement, enfin, je l'espère pour vous en tout cas. Attendez, parce que je suis en train de faire un petit peu de balle. Pas tout faire ici. Je reprends. Je vous souhaite à tous un très très très bon Noël. Passez de très très bonnes fêtes. Je vous retrouve l'année prochaine, parce que c'était la dernière de l'année. On a eu du mal cette année, alors on espère que l'année prochaine ce sera beaucoup mieux. En tout cas, c'est tous mes vœux les plus chers pour vous et pour tous vos proches. Je vous embrasse et puis je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.